manège qui m'imagine à l'envie. Sur un lit d'ortie cousu de fil barbelé, les pieds y poings liés et la bouche bâillonnée, mon regard m'insulte en attendant la fessée. Je te ferai prendre par un porc, un vrai qui griffe, qui pue, qui mord. Et sous mon regard ahuri, il te fera jouir et pousser les cris. Oh là là, si tu me passes. Dans ton fion, qu'est-ce que tu pleures de plaisir? En attendant de trouver pire, je te défoncerai le cul jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Je pousserai des éclats de rire tout en vomissant ton plaisir. J'ai des couilles comme des raisins secs, la bite enflue comme une courgette. Avec tout ce que je t'ai mis dans le cul, on dirait que tu es pleine de pu. Et dans ta sanglante fissure, je serai de plus en plus dur. Et sur ta sanglante figure, je te ferai ma dernière torture. Oh cravache, je te fâche. Oh cravache, je te fâche. Oh cravache, je te fâche. Oh cravache. Sur ta petite gueule d'amour, qui sera plus qu'une éraflure, je déposerai de doux baisers tout en te demandant de m'aimer. Et sinon, sinon quoi? Ou sinon, sinon quoi? Ou sinon, sinon quoi? Foutue grosse vache.